soleil, je l'entends déjà. Il n'est pas loin, il est là, derrière le bois. Tip, tip, le soleil va chasser l'hiver. Et l'hiver va nous jouer la fille de l'air. Tip, tip, la couleur du ciel a changé. Ce n'est plus gris et blanc, mais bleu métallisé. Tip, tip, les petites fleurs qui montrent leur nez. C'est Monsieur Winter qui les avait enterrés. Oh. Monsieur Winter, Monsieur Winter, Monsieur Winter, Monsieur Winter, Monsieur Winter, go home, go home, go home. Dip, dip, la rivière, elle était gelée, toute nue dans la vallée, immobilisée. Dip, dip, la rivière, je l'entends craquer, elle est prête à dévaler, décristalliser. Dip, dip, la forêt secoue ses grands bras. Elle va sonner, le prend, le bas de combat. Dip, dip, ça c'est sûr, ça sent le printemps. Et Monsieur Winter s'en va cavaler devant. Oh. Monsieur Winter, Monsieur Winter, Monsieur Winter, go home. Dip, dip, l'été temps, moi j'en pouvais plus. Il restait plus de vin blanc, de tabac non plus. Tip, tip, le tétan, moi j'en pouvais plus. De relire le règlement, l'armée du salut. Tip, tip, allez donc, démobilisé. Comme un petit Robinson, des encruzoé. Tip, tip, et voilà, c'est double le ciel. Et Monsieur Winter s'en va, se fondre au soleil. Oh, hey, Monsieur Winter, Monsieur Winter, Monsieur Winter, go home, go home, home. Demain, peut-être après-demain, elle viendra enfin, ma demoiselle de la ville fragile. Demain, peut-être après-demain, elle viendra enfin, son traîneau tiré par des anges étranges. J'ôterai mon bonnet et je ferai la révérence. Et puis je me l'admirerai comme un Noël de mon enfance. Demain, on entrera chez moi et l'on s'embrassera, tout un printemps formidable. Dip, dip, bien le bonjour, monsieur le printemps. C'est la saison des amours et je suis content. Dip, dip, entrez donc, entrez réchauffé. Mima et ma tête et mon petit cœur gelé. Dip, dip, et voilà, c'est le vrai printemps. Et Monsieur Winter s'en va se foutre le camp. Oh, hey, Monsieur Winter, Monsieur Winter, Monsieur Winter,